à nous-mêmes, comme nous le devons à nos ancêtres, ainsi qu'à nos enfants, de pouvoir palabrer, c'est-à-dire de discuter du passé et du futur de notre pays, sans complaisance, mais aussi sans passion, ni violence gratuite, fût-elle seulement verbale. Étant donné que ceux de nos frères et sœurs, aujourd'hui de l'autre côté de la barre, ont eux aussi, et presque tous, été aux affaires à une époque plus ou moins lointaine, il nous aurait, à notre tour, été loisible de démontrer qu'ils partagent, à des degrés divers, certes, la responsabilité de la dégradation générale dans laquelle se trouve plongé aujourd'hui notre peuple et notre pays. Plus éphémère encore, le gouvernement de salut public que dirigea le temps d'être formé l'opposant Étienne Tshisekedi.